moment, ne touchez rien, vous écoutez bien audioblog.fr, le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Le site est à audioblog.fr. Sur ce site, vous pouvez réagir à ce que vous allez entendre. Et si Internet, c'est pas votre truc, vous pouvez également laisser un message la journée à mon répondeur au 08 70 73 20 28. C'est une Freebox, donc comme local si vous appelez depuis un fixe d'où que vous soyez en France. Et comme la Freebox va enregistrer votre message sous forme de fichier audio, s'il est intéressant, je le joindrai à ma prochaine note audio. On a commencé avec Sleeping Shelby, un groupe de Chicago. Je dis souvent du mal des villes américaines, mais Chicago est une ville vraiment extra que j'adore. Et la chanson s'appelle Light to the World. Aujourd'hui, trois choses. Tout d'abord, un sujet assez étonnant sur la propagande à la télévision. Puis, un petit sujet plus léger sur le devenir des cadors de l'analogique face à la vague numérique. Et puis enfin, une petite réflexion perso sur la dématérialisation de nos coordonnées. Dont vous n'entendrez pas parler ailleurs. En janvier, il y avait eu dans la presse hexagonale quelques articles qui parlaient d'un épisode qui peut étonner. Ça se passe aux États-Unis. Deux journalistes très sérieux se sont fait épingler pour avoir été payés par l'administration Bush pour écrire des papiers qui lui étaient favorables. J'ai mis un lien vers le papier que Libé avait écrit à l'époque. Il est en archive payante. Bon, si vous êtes abonné, allez-y, mais vous devez pouvoir le trouver en bibliothèque ou autre. Le New York Times a investigué un peu sur cette histoire, c'est pas la première fois qu'ils le font. Il vient de publier un papier tout à fait surprenant qui explique qu'en fait, il n'y a pas moins de 20 officines aux États-Unis, 20 officines gouvernementales donc, dont le job c'est de réaliser des sujets télé, des reportages, clés en main, et de les refourguer aux télés donc, qui les passent tels quels. Les sujets sont très complets, il y a même la phrase de lancement que doit prononcer le présentateur prévue dans le package. Et c'est pas Bush qui a mis ça en place. Ça existait déjà depuis l'ère Clinton. Alors en fait, l'équipe de audioblog.fr s'est précipitée aux États-Unis pour enquêter, et nous avons découvert que le problème vient d'un jingle qui devrait être diffusé avant chacun de ces reportages, enfin reportage entre guillemets, puisqu'en fait c'est des films de propagande pure et dure, et qui ne l'est jamais. Et en avant-première du monde worldwide mondial, le voici. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Bon là, je plaisante, mais je crois qu'au fond, il vaut peut-être mieux en rire jaune, parce que je suis pas sûr du tout qu'on soit mieux loti. Il suffit de penser à ce qui se passe à chaque crise internationale majeure où les USA sont impliqués. À chaque fois, on a droit sur nos télévisions à nous, aux films de propagande de l'armée américaine diffusés sans commentaires, sans expliquer d'où ils viennent. Souvenez-vous, pendant la guerre du Golfe, première version, on avait tous les soirs droit aux images en noir et blanc un peu floues des missiles chirurgicaux qui allaient détruire leurs objectifs. C'était une guerre sans mort dans l'esprit Game Boy. Ensuite, à l'époque de la guerre d'Afghanistan, on avait droit le soir aux vues en coupe et voire même parfois en animation des bunkers hyper technoïdes où Ben Laden et les talibans cachaient un armement d'une sophistication à faire pâlir la NASA. Ça venait, la quatrième armée du monde. Ça se reproduit systématiquement. Donc on peut toujours rigoler des Américains avec leurs officines qui leur fabriquent de la propagande qu'ils avalent à la télé. Je suis pas du tout sûr que nous on soit pas logés à la même enseigne. Et mieux, je pense que personne aujourd'hui ne peut garantir qu'aucun de ces films de propagande n'a été diffusé sur nos télévisions à nous. Ce serait d'ailleurs un super sujet d'enquête. Je suis pas sûr qu'elle ait lieu. Et là, vous êtes en train de vous dire que j'exagère, que ça ne peut pas se produire chez nous. Eh bien, vous avez tort, ça s'est déjà produit chez nous. Vous trouverez dans la liste des liens qui accompagnent cette note sur le site un lien vers une note que j'avais écrite il y a déjà quelques temps à propos d'une histoire abracadabrantesque qui avait vu Sarkozy faire un discours devant un parterre d'intermittents du spectacle payé et que les télés avaient présenté comme des étudiants militants qui étaient là pour l'écouter par passion. Et les télés sont revenus sur leur bidonnage uniquement une fois que le scandale a éclaté et de manière assez soft. On va écouter un petit extrait d'un JT d'Antenne 2 qui date donc de 2003 où on entend clairement, c'est une tombée qui n'est pas passée à l'antenne du reportage, on entend clairement à des intermittents expliquer aux journalistes qu'il est payé et le commentaire c'est quelque chose du genre « Ah oui, effectivement, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, tu parles ». La sécurité routière avait organisé la semaine passée une campagne intitulée « 24 heures pour sauver 24 vies », symbole de cette manifestation, des jeunes allongés par terre. Or, faute de participants, l'agence de pub a engagé des figurants, une affaire qui provoque une sortie de route. Sébastien Leguet, Jean-Paul Chausset. Ça devait être un bel anniversaire. Pour les 20 ans de la Ligue contre la violence routière, 300 étudiants engagés symbolisaient les victimes de la route, sur l'herbe du jardin du Luxembourg. Seulement, tous ne prêchaient pas la bonne parole. Certains tenaient un discours qui aurait dû nous paraître bizarre. Pourquoi vous avez voulu être là aujourd'hui ? Franchement, c'est pour l'argent ou quelque chose, quoi. Vous êtes payé pour faire ça ? Ouais, par l'argent, ouais. En fait, d'étudiants, il s'agit d'intermittents du spectacle, recrutés par l'agence chargée d'organiser l'événement. Donc tout ça pour dire que je vous recommande chaleureusement la lecture de ce papier du New York Times. Le lien est blablabla dans la liste, etc. Il est en anglais. Mais il est passionnant, j'aimerais bien lire des papiers comme ça plus souvent dans nos journaux à nous, c'est un peu plus intéressant que l'épitrerie de Tartarin. Pour la petite histoire, c'est pas la première fois que le New York Times tire la sonnette d'alarme. Ils l'avaient déjà fait l'année dernière et ils avaient été relayés par des scientifiques canadiens. Parce qu'en fait, ces films de propagande, c'est pas fort spécialement des films militaires, il y a des films surtout sur la santé, sur la science, etc., etc., pour présenter l'action du gouvernement américain sous un angle favorable. Et début 2004, donc, des scientifiques canadiens avaient lancé une protestation face au déferlement de ces films de propagande diffusés par les télés, comme s'il s'agissait de vrais reportages scientifiques. L'agence canadienne Science Press, donc, avait fait un papier à l'époque. Là encore, il y a le lien dans la liste, et l'avantage de ce papier, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, qui ne peuvent pas lire celui du New York Times, c'est qu'il est en français, je vous en recommande la lecture, donc si vous ne pouvez pas lire le papier du New York Times, lisez au moins celui-là, parce qu'il donne une bonne synthèse de la chose, et ça permet de bien comprendre exactement ce qui se passe. Bravo au passage à l'agence canadienne Science Press. Voilà, c'était ma rubrique « On nous cache tout, on nous dit rien » et maintenant on va passer à des choses plus légères, à commencer par un groupe de Danois qui s'appelle Fast Gallows et dont le morceau s'appelle « Test ». Alors vous en avez probablement entendu parler, l'événement de la semaine dernière, c'est le fait que le grand boss de Sony s'est fait virer et à sa place a été nommé un gallois naturalisé américain qui s'appelle Howard Stringer, qui maintenant donc est le grand ponte de la boîte. Grosse émotion au Japon, où c'est la première fois qu'un non-japonais prend la tête d'une boîte emblématique comme celle-là. Et il y a des trucs assez fun dans la manière dont c'était relaté chez nous. Ce qui m'a fait le plus rire, c'était l'article du Figaro qui raconte cette histoire. Et alors je le lis tel quel, là, c'est in extenso. Âgé de 63 ans, le président de la branche américaine du groupe japonais, oui parce que Stringer était avant PDG de Sony US, donc le président de la branche américaine du groupe japonais a en effet multiplié au cours des dernières années les visites au Japon pour convaincre la direction que personne n'achète du matériel électronique par amour de l'électronique, mais pour pouvoir regarder des films ou écouter de la musique. Cette analyse a dicté toute sa stratégie à la tête de Sony aux États-Unis. Ah oui, waouh! Si pour devenir boss de Sony, il faut juste leur expliquer que les gens achètent de quoi voir des films ou écouter de la musique, mais pas par amour de la quincaillerie, moi je suis preneur du poste, hein, je cherche du boulot, ça m'irait impeccable. Bon, plus sérieusement, lorsqu'on a lu cet article, à la rédaction pléthorique de audioblog.fr, on a dépêché un bataillon de reporters au Japon qui sont revenus avec le véritable enregistrement de la déclaration authentique de Howard Stringer devant le conseil d'administration de Sony. Et là encore, exclusivité mondiale worldwide du monde. Magnéto. Bonjour ! Bonjour ! Oui, c'est ça que je veux entendre. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup trop de jeunes hommes et de jeunes femmes aujourd'hui qui sont complètement paralysés par leur peur. Ils abandonnent leur corps à la tentation et à la destruction par la drogue, l'alcool et les rapports sexuels avant le mariage. Plus j'écoute ce reportage, plus je me demande si on n'a pas un peu déconné sur la traduction. C'est un peu bizarre quand même. Enfin bon, plus sérieusement, c'est bien sûr qu'il a raison ce Stringer en disant qu'on achète de la musique ou de l'image, pas de la quincaillerie. Mais je crois qu'au fond, le problème que pose l'ère numérique est beaucoup plus brutal que ça. Ce qui me fait penser à ça, c'est une discussion que j'ai eue avec un collègue. Je crois que ce qui s'est passé au niveau de Sony, ça s'inscrit tout à fait dans le même sens que la déliquescence de l'industrie allemande de la photo. Au temps où le film régnait, la photo allemande, c'était l'aristocratie du truc. Des firmes comme Leica, Zeiss, Relais, Contax, Schneider, Hasselblad, qui n'est pas allemand mais c'est un nordique aussi, ont écrit l'histoire de la photo. Et les opticiens allemands ont toujours représenté le très haut de gamme. Aujourd'hui, ils sont tous soit en apnée, soit sous perfusion, soit morts. Leica en est à se faire couper des lignes de crédit par ses banques. Contax vient de passer à la trappe. Son proprio, qui est le japonais Kyocera, a annoncé se retirer du marché de la photo pour se consacrer à celui plus prometteur des téléphones portables. Hasselblad, tiens, séquence émotion. Là, on entend un Hasselblad. Hasselblad, donc, autre marque prestigieuse qui a fait de véritables petites merveilles en moyen format, est en train de se retirer dans ses fjords. Ils viennent de fermer la filiale française. Relais en est à repackager des fins de série japonaises. Zeiss, Schneider, etc. sont dans les soucis. Bref, tout va mal du côté des Allemands. C'est qu'on a cru, j'ai cru également, que le numérique, ça consistait en gros à numériser l'analogique. Et en fait, quand on regarde comment ça se déroule, c'est pas du tout ce qui se passe. Avec le numérique, on repart à zéro avec de nouveaux utilisateurs, et lorsqu'ils sont pas nouveaux, ils adoptent de nouvelles références. Et ces très grandes marques, aujourd'hui, elles ne leur disent plus rien. C'en est un point que Sony, qui avait passé un deal avec Carl Zeiss pour pouvoir mettre le nom de Carl Zeiss sur ses zooms, vient d'arrêter. À la dernière PMA, j'ai vu leur nouveau bridge, un petit appareil plutôt sympa. Il s'appelle HD1, je crois. Je m'en rappelle plus le nom exact. Eh bien, il a un zoom de très grande amplitude, 12 fois, qu'ils auraient dû griffer Carl Zeiss, ça aurait été logique. Eh bien, cet objectif, il s'appelle tout simplement Sony. Parce que pour le client Sony, Carl Zeiss, ça fait pas partie de son univers. Sony, si. Kodak utilise encore la griffe Schneider-Krosnahr pour ses objectifs, mais pour combien de temps? Avec le numérique, je crois qu'on passe de l'époque du rêve à celle du produit, qu'il s'agisse de la photo ou de la musique. Bref, on fait table rase, et je crois que c'est pour ça que Sony a complètement foiré la vague des baladeurs. Ils attendaient que les gens viennent naturellement chez Sony, et comme Apple, qui est pourtant un constructeur informatique pur et dur, avait un produit plus sympa, bah les gens y sont allés chez Apple. Et si je ne me trompe pas, ça veut dire que des morts, dans les grands traditionnels, il y en a encore un paquet à venir. Parmi les survivants de l'époque héroïque du film, il n'y a guère que Kodak, qui s'en sort très bien. Et ils s'en sortent très bien pour une raison simple, c'est qu'ils ont détruit littéralement le Kodak argentique pour créer un nouveau Kodak qui, lui, est entièrement numérique. Actuellement, on entend Zerfor qui nous fait Nothing Left. Et on se quitte avec une petite réflexion dans la rubrique « Tout le monde s'en fout, c'est un truc à moi » qui m'est venue en lisant un papier du New York Times, là encore, qui racontait sur un ton extrêmement léger l'histoire de jeunes gars qui, après avoir perdu leur téléphone portable, s'étaient retrouvés seuls au monde parce que tous leurs contacts avec tous leurs amis étaient dans leur téléphone portable. Et en fait, quand on y pense, c'est assez représentatif de cette... façon de vivre qu'on a actuellement, qui est un peu curieuse. Dans le temps, les coordonnées, c'était l'adresse postale qui réfère à un lieu physique et le téléphone fixe qui lui aussi réfère à un lieu physique. Quand on disait où on est, quand on donnait ses coordonnées, on donnait des lieux physiques. Aujourd'hui, les coordonnées, c'est le téléphone mobile, l'email, des choses complètement éthérées qui ne nous rattachent à rien. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut en penser. Puis au fond, peut-être qu'on s'en fout. Hein. Oui, on s'en fout. Allez, salut, à la prochaine fois.